Alors, on est avec Sarah Prestiani du réseau Migre Europe, notamment, pour évoquer en fait la situation de ces 7 pêcheurs tunisiens qui ont été arrêtés et maintenus en détention pendant plus d'un mois pour avoir secouru en mer des migrants. 5 d'entre eux ont été relâchés récemment et 2 capitaines restent assignés à résidence en attendant l'issue du procès qui sera, je crois, le 20 Oui, le septembre. 20 septembre reprend les procès. Voilà. Et Sarah, toi, tu étais en Italie au moment où les pêcheurs sont arrivés et ont été arrêtés. Et tu as tenu notamment un journal de bord justement de tout ce qui se passait, de tout ce que tu entendais. Est-ce que tu pourrais nous redire exactement ce qui s'est passé à ce moment-là? Oui, alors pour commencer, il faudrait retourner arrière au 5 août de cette année, où un bateau avec une quarantaine de personnes est parti des côtes de Libye. Et après 3 jours de traversée en conditions assez périlleuses, parce que la mer commençait à monter, les vents, et c'était plus ou moins à force 4-5. Donc, en sachant que les bateaux qui amènent ces migrants, c'est des zodiacs très faibles. Donc, au moment des. Dans une situation très périlleuse pour eux, ils ont commencé à perdre leur zodiaque, de plus en plus perdait des soutiens. Ils n'arrivaient plus à continuer, ils avaient très peu d'essence et c'est commencé à se dégonfler. Donc, c'est à ces moments-là qu'ils voient passer 2 bateaux de pêche. Ils commencent à crier de l'aide et ces bateaux de pêche, malheureusement, ils ne s'arrêtent pas. Et c'est justement les troisième bateau de pêche, les quatrième bateau de pêche qui s'appellent El Hedi et El Mortada qui décident de s'arrêter. Ils se décident de s'arrêter. Ils voient, ils racontent les pêcheurs même d'avoir vu les conditions des migrants à ces moments. Leur bateau, leur zodiaque, ils étaient en train pratiquement d'écouler. La partie des vents était complètement dégonflée. Les vents étaient montés. Donc, ils se sont rendus compte à ces moments-là que la vie des migrants était en péril. Ils étaient en train de mourir. Donc, les migrants, ils demandent de l'aide. Il y a 2 pêcheurs qui se jettent même à l'eau pour les sauver. Ils leur lancent des corps et à peu, ils sont transportés sur les 2 bateaux de pêche. Et c'est là que leur zodiaque coule à l'eau parce qu'il était pratiquement dégonflé. Donc, à ces moments-là, les bateaux de pêche des 2 Tunisiens, les deux bateaux de pêche des Tunisiens, appellent au secours, demandent quoi faire, demandent quoi faire à la marine militaire italienne, demandent quoi faire à la marine militaire tunisienne. Il y a beaucoup d'incompréhension, mais ce qu'ils voient d'abord, les pêcheurs, c'est les conditions tragiques des migrants. Il y a une femme enceinte de 8 mois qui, depuis le départ, il n'arrête pas de pleurer pour les douleurs. Il y a un enfant handicapé des 8 ans. Il y a des migrants qui sont complètement mouillés et morts de froid et de faim. Et donc, ils décident de tracer vers Lampedusa parce qu'ils comprennent que les règles du sauvetage en mer, c'est les amener au port plus sûr. Parce que la marine militaire réagit en leur disant quoi à ce La moment-là? marine militaire réagit en envoyant un médecin, un sergent médecin, sur les bateaux. Alors, sous un des 2 bateaux, même si au procès, ils ont déclaré que les médecins, ils avaient fait le tour des 2 bateaux, mais effectivement, comme les pêcheurs racontent et comme les témoins racontent, ils sont montés que dans un bateau. Ils ont regardé vite fait les migrants. Ils ont déclaré, les migrants, ils sont en très bonne condition de santé. Donc, on peut les faire retourner en Tunisie. Ça, c'est très grave parce qu'effectivement, les migrants, ils n'étaient absolument pas en bonne condition. Et ça, les personnes qui les ont accueillis au port au moment de leur arrivée à Lampedusa, notamment MSF, l'infirmière qui les a accueillis au moment de leur arrivée, a déclaré que ces personnes, elles étaient en très grave condition de détresse. La femme enceinte a été transportée avec un hélisecours à Palerme. Et cette action, c'est très rare en ces conditions. C'est très rare qu'un hélisecours s'élève de Lampedusa pour amener un migrant à Palerme. Mais les conditions de la femme ont obligé les médecins même de l'hôpital de Lampedusa, des urgences de Lampedusa, appeler les secours. Donc ça, pour faire comprendre qu'effectivement, les conditions des migrants, c'était très grave, même si la marine militaire dit les conditions elles étaient très bonnes. Les docteurs, il les a vus. Il n'a absolument pas remarqué des personnes qui étaient malades. Et donc, a appelé les pêcheurs en leur disant il faut retourner à l'Indonésie. Et est-ce qu'il y a eu, parce qu'il y a eu une sorte de, l'Italie et la Tunisie sont un petit peu renvoyées la balle au départ, parce que les pêcheurs appelaient au secours en disant qu'il fallait absolument qu'ils rapatrient les migrants, ils demandaient sur quel port. Et qu'est-ce que ça a été la réaction justement des capitaineries, bah, je ne sais pas, en Italie et en Tunisie, ou à Malte, je ne sais pas s'ils ont contacté Malte Non, aussi. alors les organes compétents qui ont été appelés, donc les marines militaires, c'était celle de Tunisie et celle d'Italie. Et c'est la marine militaire italienne, la capitainerie des ports, plutôt de Lampedusa, qui a envoyé justement un docteur. Et là, ils ont décidé que selon les conditions, c'était plutôt les ports du plus sûrs et plus proches, c'était celle-là de la Tunisie. Mais en réalité, ils étaient beaucoup plus proches aux eaux nationales italiennes. Donc c'est là qu'ils ont décidé d'avancer et c'est là qu'après, au moment, à quelques milles, quand ils étaient déjà rentrés dans les eaux nationales italiennes, la capitainère des ports, la garde-côte, s'est approchée au bateau des pêcheurs. Les vagues étaient toujours très grandes, très élevées et donc les bateaux de pêche des Tunisiens a un peu légèrement foncé, mais pour des conditions météorologiques vers l'Italie, en direction de l'Italie. Et c'est là que l'accusation, donc justement, c'est d'avoir rentré dans les eaux nationales quand il n'y avait pas de danger pour les personnes. Donc maintenant, les procès, ça reprend, ça recommence, et c'est tout à démontrer qu'effectivement, il y avait du danger pour les personnes. Les conditions de santé des migrants étaient en détresse, étaient de graves conditions de santé. Et ça, on n'a pas pu le démontrer jusqu'à maintenant parce que le président du procès n'a pas voulu écouter certains témoins qui pouvaient démontrer ça. Madame Sabatino, c'est ça. Oui, c'est ça. Madame Sabatino a décidé de ne pas vouloir écouter un certain nombre de migrants qui étaient des rescapés, n'a pas voulu écouter l'infirmière des Médecins sans frontières qui a vu les migrants au moment de leur arrivée, n'a pas voulu écouter les médecins urgences de Lampedusa qui avaient décidé que la femme enceinte devait être transférée à Palerme à cause de sa condition de santé. Donc c'est un procès uniquement à charge où les seuls témoins qu'elle accepte d'entendre sont ceux qui tiennent le même discours que la marine militaire. Il y a en réalité beaucoup de témoins qui ont été proposés par la défense n'ont pas été écoutés. Il y a deux migrants, deux rescapés qui ont été écoutés, mais il y a beaucoup, au début, les premiers jours du procès, c'était clair à une certaine tentative de vouloir donner la parole qu'est à certains partis, donc plutôt à l'accusation. Après, deux migrants, ils ont été écoutés, donc à peu, on a même la défense a eu droit à pouvoir faire écouter ces témoins. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'obstructionnisme par rapport à ça et beaucoup de témoins très importants, des témoins clés pour comprendre notamment qui c'est qui était dit par la milice militaire, c'était pas vrai, donc les conditions c'était bon des migrants, n'ont pas été écoutés. Et alors justement, sur quoi repose cette accusation de favoriser l'immigration illégale et d'être entrée également dans les eaux territoriales? Alors, l'accusation de l'article 12,3 du texte unique de l'immigration, c'est trafic d'êtres humains à but lucratif. C'est ça l'accusation qu'ils ont eu, les sept pêcheurs qui ont sauvé la vie à 44 migrants. C'était basé sur le fait que ces deux bateaux de pêche, au moment de leur arrivée au port, et au moment de leur arrivée au port, ils ont été. Il y a eu une enquête sur ces deux bateaux. Ils n'ont pas trouvé des filets de pêche, ils n'ont pas trouvé du poisson. Alors ça, c'est très vite démontré pourquoi il n'y avait pas des filets de pêche, pourquoi il n'y avait pas des poissons. Parce que ces bateaux, ils font partie d'un type de pêche où il y a trois bateaux. Il y a un premier bateau qui fait lumière dans les eaux, un deuxième bateau qui, par contre, lance les filets et accueille les poissons, et un tout petit bateau arrière qui, de temps en temps, ramène les poissons en Tunisie. Donc, les deux bateaux qui ont sauvé les migrants, les El Hadi et le Mortada, c'était les deux bateaux qui font de la lumière. Donc, notamment, il ne devait pas y avoir du filet et ni du poisson. Et il y a des témoins, moi aussi j'ai fait des photos dans ces bateaux. Par contre, il y a des grosses lampes. et des grosses lumières des grosses générations, des générateurs de lumière, d'énergie pour faire lumière. Donc cette accusation, ça tombe pas, c'est complètement sous les vides. En d'autant plus que c'est une technique qui est utilisée aussi par les pêcheurs siciliens, pas pour les pêcheurs de Lampedusa, mais aussi utilisée par les pêcheurs siciliens. Donc c'est une technique assez connue, même si c'est très ancienne, mais c'est très connu. Et c'est très connu dans les zones méditerranéennes. Et l'autre, c'était justement d'être rentré dans les territoires nationaux quand il n'y avait pas l'urgence, donc en disant que les conditions des migrants c'était des bonnes conditions de santé, donc il n'y avait pas l'urgence pour les amener au port plus proche. Ce qui a été, voilà, ce qui a été démontré complètement faux, immédiatement après. Exactement. Peut-être qu'on peut parler justement de cet acharnement que met actuellement l'Europe à travers l'Italie, à travers Madame Sabatino, la juge qui instruit ce procès, pour criminaliser en fait cette forme de solidarité vraiment élémentaire qui s'exprimait à ce moment-là, de sauver des personnes, en mer. C'est une politique européenne beaucoup plus large qui est menée, voilà, de guerre aux migrants, comme l'a dit Federica Sossi quand on l'a interviewé récemment aussi. Et justement, ça a mobilisé en fait une délégation internationale autour de ce procès, puisque il faut toujours d'ailleurs, puisque le rendu est pas donné encore, absolument empêcher ce type de précédent. Qui permettrait à l'Europe de contourner intégralement le droit, tous les droits les plus élémentaires, y compris le droit maritime international, pour empêcher des migrants de se rendre en Europe. Oui, je pense que ce qui était fait par la délégation internationale, c'était très important parce qu'il y a eu en quelque façon apparemment des précédents en tout ça. Mais généralement, tous les pêcheurs qui étaient accusés de trafic d'êtres illégaux, leur procès, ça passait en voie directe. Donc très vite, ils étaient accusés, très vite, ils étaient expulsés et très vite, ils étaient ramenés dans leur pays d'origine. Donc et ça dure depuis beaucoup de temps, depuis pas mal des années, 4-5 années, c'est les dernières années où les arrivées au port de Lampedusa et en Sicile sont augmentées. Et de plus en plus, c'est les pêcheurs qui sont pratiquement les seuls acteurs présents en haute mer où les migrants tombent en détresse pendant leur voyage. Les seuls qui pourraient les sauver, c'est eux qui sont généralement accusés. C'est eux qui ils ont toujours des problèmes, comme ils disent eux-mêmes, c'est toujours des problèmes avec les migrants. C'est pas avec les migrants, mais c'est pour les effets des politiques européennes. Donc cette accusation perverse des trafics d'êtres humains, en réalité, les pêcheurs, ils font que du sauvetage. Donc, l'action, c'est très clair. C'est dès qu'ils arrivent au port, s'ils amènent des migrants, s'ils amènent des cadavres, il y a toujours une enquête qui est faite. Donc, le bateau est arrêté s'il n'y a aucun problème pendant 1 ou 2 journées de travail. S'il y a toujours quelques doutes en plus, on peut arriver à les arrêter pendant des mois. Et ça veut dire la perte du travail, pas seulement pour un pêcheur, mais pour 10 marins, qui c'est un peu généralement le nombre de personnes qui font partie d'une équipe de pêche. Donc ça nous fait comprendre un peu quelle est après la réaction des pêcheurs. Ça ne nous étonne pas de les entendre des fois dire qu'il y a des pêcheurs qui ferment les yeux devant les migrants, devant leurs conditions tragiques, surtout parce que de plus en plus, ils partent dans des conditions rempli à 100 personnes dans un zodiaque, avec la mer agitée. Donc on peut vite fait comprendre qu'est-ce que pourraient être les conséquences. Une guerre en migrants, oui, qui a pris différentes formes, a pris la forme des actions des Frontex, par exemple, au large des îles Canaries. Frontex aussi, tu peux C'est, redire. oui, c'est l'agence des contrôles frontières créée par l'Union européenne, une agence qui contrôle les côtes intérieure européenne, mais à travers des accords bilatéraux, est arrivé aussi à contrôler les côtes des pays africains, donc notamment les Sénégal et la Mauritanie. Pour l'instant, à travers l'opération mise en place par Frontex qui s'appelle Nautilus, longue la côte italienne et maltaise, ils n'ont pas encore gagné la collaboration de la Libye, mais pour exemple, il y a sa nouvelle de quelques jours, ils ont gagné la collaboration de l'Algérie. Donc tout ça, à un bout précis, c'est le refoulement des migrants, c'est le blocage des migrants aux pays limitrophes, pays comme la Libye, pays comme le Maroc, pays comme la Turquie, donc au-delà des frontières de l'Europe. Et la technique des lits de solidarité vis-à-vis des pêcheurs, c'est une des techniques qui a été mise en place par l'Europe. C'est pour cela que la délégation, c'est une délégation internationale aussi. On a compris vite fait quel type de conséquences pouvaient avoir ces procès, s'il n'y avait pas mobilisation autour de ces procès. C'est l'association qui les ont compris, c'est aussi les eurodéputés, donc il y a eu 4 eurodéputés qui sont mobilisés, qu'ils ont réussi à obtenir 111 signatures des autres eurodéputés sur ces questions. Ils ont organisé une première séance le 6 septembre où la délégation internationale s'est rendue, une délégation internationale composée par des membres des associations tunisiennes, des associations françaises, du réseau euro-méditerranéen des droits de l'homme, d'associations tunisiennes-françaises, franco-tunisiennes, italiens, Migrop et autres, et les eurodéputés notamment, qui sont rendus le 6 septembre à Rome, et où ils ont rencontré des parlementaires, où ils ont communiqué avec le ministère des Affaires sociales Ferrero, qui s'est positionné en considérant ces affaires des pêcheurs une affaire très grave et avec des conséquences tragiques pour la vie des migrants. Et la délégation, les 7 septembre, s'est rendu devant les préfets d'Agrigento, la ville où les pêcheurs étaient emprisonnés, où il y avait la prison où ils étaient enfermés les pêcheurs. Toute cette délégation a fait comprendre aux préfets la gravité, la dangerosité de ces procès. Les préfets s'est montré assez sensible à ces questions, a dit que notamment en gardant pas d'ingérence entre pouvoir politique et pouvoir judiciaire, il aurait fait quand même des pressions, il a compris qu'on en tout cas, la dangerosité de cette situation qui n'a pas que des dimensions siciliennes, mais qui a des dimensions européennes. Et la délégation s'est rendue après, toujours le 7 septembre dans l'après-midi, à visiter les 7 pêcheurs qui étaient en prison, à parler longtemps avec eux. Eux, ils ont démontré d'avoir beaucoup de ténace et d'y croire et d'espérer encore dans une libération et dans une clarification de la situation. Et ils ont déclaré qu'ils l'ont fait et qu'ils référent tout ça parce qu'ils ont simplement sauvé des personnes et c'est la gloire de la mer faire ça. Et entre-temps, une petite délégation des Migrop avec un eurodéputé s'est rendue au centre de rétention des Caltanissetta où deux rescapés ils étaient maintenus et enfermés. Et donc on est allé là pour les rencontrer, pour écouter aussi leur version des faits. FPP, FPP, FPP, FPP. Mbote na bino lokola boye na fréquence Paris Pluriel 106.3. Et tu parlais, tu as évoqué les conditions en haute mer, tu as évoqué les départs de la Libye, etc., et les accords bilatéraux. Et justement, toi, tu étais en Italie à cette période-là parce que tu travaillais notamment à Lampedusa à recueillir des récits de migrants ou de pêcheurs. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu du travail que tu fais ? Oui, c'était J'étais justement à Lampedusa. L'intérêt, c'était d'essayer de comprendre. Alors, d'abord, expliquer aux migrants qu'ils arrivent, où ils se trouvent d'abord. Où ils se trouvent, c'est un peu la législation en matière d'immigration en Italie et en Europe. Parce que beaucoup, ils arrivent en Italie, mais ce n'est pas pour s'arrêter en Italie, c'est pour continuer leur voyage. Pour leur donner d'informations de tout type, d'associations qui peuvent les aider pendant leur parcours de voyage et des transits en Italie et en Europe. Et aussi pour essayer de comprendre, qu'est-ce qui passe dans les pays où ils transitent pour arriver en Europe, des pays où nous savons très bien avec lesquels les pays européens sont en train de collaborer. On a beaucoup parlé du Maroc, mais ce qui s'est passé au Maroc, ça s'est passé en Libye. La seule difficulté, c'est d'avoir des informations de ce qui réellement se passe dans ces pays. Les migrants, justement, ils racontent et ils parlent de plus en plus. Il y a beaucoup de témoignages qui racontent des tortures qu'ils subissent dans ces pays, des tortures qu'ils subissent en Libye, des rafles qui sont faites où beaucoup de la population immigrée d'origine subsaharienne du Corne d'Afrique est raflée et mise en prison. Des tortures qui vont du viol massif vis-à-vis des femmes à l'électrochoc, au tabassage avec les matraques sans aucun type de motivation, simplement pour maintenir la calme. Il y a beaucoup de prisons. On n'a pas encore arrivé à comprendre, à savoir les nombres précis des prisons où les migrants ils sont enfermés en Libye. Mais on sait qu'est-ce qu'ils vivent là-dedans, les migrants. Ils sont enfermés généralement 4-5 mois. Les temps d'avoir la menace d'être expulsés et d'être raquettés avec $500 pour la sortie. Dans ces prisons, ils vivent au sol, dans des chambres très grandes, avec nourriture que de l'eau salée et du pain une fois par jour. Ils subissent des tortures quotidiennes, pratiquement, c'est ça qu'ils racontent eux. Il n'y a aucun type de soutien, il n'y a aucun type d'information qui rentre dans ces prisons. Et surtout, notamment pour certains pays comme l'Érythrée, l'Éthiopie et la Somalie, il n'y a aucun type de soutien aussi vis-à-vis de leur consulat qui ne se demande absolument pas et au contraire collabore avec la Libye dans cette opération de torture massive vis-à-vis des ces ressortissants qui fuient ces pays parce qu'ils les obligent à faire les services militaires pratiquement pour toute la vie, même si les services militaires obligatoires 1 an et 6 mois. Donc, c'est ça qui ça a remonté des plus, soit en violence de la part des policiers libyens, mais aussi en violence de la part de la population libyenne qui se sent autorisée à les racketter et à faire l'ordre de violence dans la rue simplement pour avoir de l'argent, parce que ça, c'est l'aptitude du gouvernement. Et tout ça, c'est couvert d'un silence incroyable, un silence qui permet tranquillement aux autorités italiennes en premier, mais européennes aussi, de serrer la main à Gheddafi et de l'appeler un des meilleurs collaborateurs en matière d'immigration. Et puis essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe sur notre mer. Pourquoi de plus en plus les migrants qui arrivent, il y a beaucoup de personnes qui partent, des personnes qui meurent de faim. Donc on découvre qu'ils partent sans boussole, sans compas, avec un GPS qui souvent n'a pas de batterie. Ils partent sans eau et sans alimentation. De plus en plus, ils partent, sont des mineurs. Ceux qui partent sont des mineurs dans un bateau de 120, 130. On a vu aussi 60 mineurs. Il y a beaucoup de bébés qui partent aussi avec leur mère. Donc, c'est ça la population que nous voyons arriver à Lampedusa, la population qui, généralement, provient plutôt du Corne d'Afrique. Mais il y a beaucoup aussi des Marocains, des Tunisiens, des Maghrébins qui partent de Libye ou des côtes tunisiennes pour arriver à Lampedusa. Et puis, une fois arrivés à Lampedusa, ils reçoivent les premières soins et après, ils sont maintenus dans un centre d'accueil et première urgence, comme on appelait, en tout cas un centre complètement fermé, où ils passent 5 jours les temps de l'identification pour être après transférés dans des autres centres d'accueil ou de rétention, en tout cas fermés. Et dès là, être expulsés dans leur pays d'origine après avoir passé tout ça, ou rentrer avec un papier d'expulsion sur le territoire italien. Donc, avec un papier qui dit tu as 5 jours pour quitter les territoires italiens, donc notamment tu restes illégaux et exploitable sur les territoires italiens. Ou sinon, ils ont la protection subsidiaire, une partie très minimale de la population, ou les statuts de réfugiés, 0,5% pratiquement. Il y a un journaliste italien d'ailleurs qui avait fait un reportage qui s'est fait passer pour un migrant de l'Est et qui était arrivé en fait dans une situation de quasi-esclavage, si je me souviens bien, qui avait été intégré dans un... Je ne sais plus dans quel cadre, dans quel type d'industrie. Non, il c'était... c'est un reporter qui d'abord, la première fois, il s'est jeté à l'eau, il s'est fait passer par un migrant enfermé, Fabrizio Gatti. Il s'est fait enfermer dans les centres de Lampedusa à une époque où les centres étaient beaucoup plus fermés. Et là, il avait dénoncé les violences qu'il avait subies, les violences psychologiques, les violences physiques qu'il voyait que les migrants subissaient dans ces centres. Et une deuxième fois, il s'était fait passer par un migrant roumain. Et dans l'agriculture saisonnière, donc il s'était fait embaucher par des connationnels dans les champs d'agriculture de la zone des Pouilles, et là avait dénoncé toutes les conditions de pratiquement esclavage qui vivent les migrants. Et c'est exactement les migrants qui arrivent à Lampedusa. Ils arrivent, et même s'ils décident de ne pas rester en Italie, ils transitent au moins un an, deux ans pour accueillir de l'argent pour continuer leur voyage. Et c'est justement dans les champs d'agriculture, dans les serres qu'ils travaillent, exploités pendant 12 heures par jour dans des conditions hygiéniques horribles. Généralement, quand ils travaillent dans les serres, ils sont enfermés dans les serres, donc à 50 degrés, avec des insectes partout, sans aucun type de protection, ni sanitaire, ni de travail, et où ils ne peuvent pas s'échapper. Ils sont si payés, très mal payés, ou pas du tout payés. Donc, c'est ça la vie qui les aspecte après Lampedusa, ou sinon, c'est l'industrie du Nord, les industries chimiques. Donc, les boulots que les Italiens ne veulent plus faire, c'est pour les migrants qui arrivent à Lampedusa, justement. C'est un peu le même type d'hypocrisie, même c'est tout à fait le même type d'hypocrisie qui est pratiqué en France, justement, sur les sans-papiers qui sont embauchés dans le bâtiment, notamment, ou dans l'agriculture. En Italie, justement, ça s'appuie sur une loi qui porte le joli nom de loi Bossi-Fini. Deux hommes politiques qui sont pas précisément des progressistes, quoi. Qui, rien que le nom de la loi, déjà, donne une idée de son contenu, quoi. Est-ce que tu peux nous parler un peu du type de législation en matière d'immigration en Italie ? Oui, alors, comme tu disais, Bossi-Fini, c'est la loi de la réglementation d'immigration. Bossi, c'est le chef de la Ligue Nord, donc parti déclaré xénophobe. Et Fini, c'est le président de l'Alliance nationale, et que c'est un peu l'héritage de l'ancien parti fasciste. Bon, après, officiellement, ils se sont vachement éloignés, mais bon, c'est ça l'origine d'où vient ce parti. Une loi qui était faite et qui... La première chose très grave qui a comme effet cette loi, c'est la criminalisation de l'immigration. Donc, on fait un exemple. Un migrant qui sort de Lampedusa ou d'un centre après Lampedusa avec un papier d'expulsion, s'il s'est fait trouver, s'il s'est fait arrêter dans la rue, il est mis en prison. Donc, il y a les crimes de ne pas avoir respecté l'expulsion. Donc, en sachant très bien que tout le monde sait qu'il reste en Italie, mais bon, ça, c'est donc la criminalisation continue. Donc, qui a comme effet les prisons pleines des immigrés qui sont là simplement pour un délit administratif, parce que je répète, c'est là de l'immigration illégale, c'est un délit administratif, et qui, après la prison, ils sont fait retransiter par les centres de rétention, et dès là, une autre tentative d'expulsion. Donc, un grand circule paradoxal des rétentions continues, où les migrants ils peuvent être maintenus dans des centres et dans les prisons de façon continuée plusieurs fois pendant leur période de permanence en Italie. Une loi qui difficilement permet la régularisation, qui en tout cas est décidée selon des quotas, parce que ça, c'est la politique italienne des quotas selon les pays et selon en conséquence les accords bilatéraux que les pays ont accepté de signer avec l'Italie. Donc, une loi, pour résumer, qui criminalise l'immigration et qui surtout fait profiter les Italiens de pouvoir exploiter les migrants dans leurs entreprises et usines et dans leurs campagnes de l'agriculture. Toujours sur Fréquence Paris Pluriel, on poursuit l'entretien avec Sarah Prestiani du réseau européen Migre Europe à propos des 7 pêcheurs tunisiens arrêtés et maintenus en rétention pendant un mois en Italie pour avoir sauvé en mer des migrants. Alors, ce qui était là où ce procès aussi des pêcheurs est particulièrement important et significatif, c'est que actuellement, la commission chargée des questions d'immigration au niveau de l'Europe est dirigée par un Italien, Franco Frattini, qui a eu une ligne particulièrement dure sur ces questions-là, enfin, qui a été un des fers de lance, enfin, quelqu'un qui a vraiment mis en œuvre cette guerre aux migrants. Oui, c'était la tendance européenne qui a mené Franco Frattini, celle-là de la répression totale, des fermetures des frontières et de l'immigration choisie. Ça, c'était un peu une politique qui a demandé aux différents pays européens d'appliquer. Pays européens qui ont totalement répondu favorablement à ce type de politique. Donc, je vais un peu citer tout à l'heure les pratiques des répressions. Fondamentalement, c'est frontières de plus en plus fermées, visas de moins en moins délivrés, et comme effet des conséquences, le développement des voies entre guillemets illégales d'arrivée, voies qui ont la seule conséquence d'augmenter le numéro des morts aux frontières et des périples, des vies tragiques où on trouve des migrants qui passent 4-5 ans à traverser des pays où il n'y a aucun type de protection des droits de l'homme avant d'arriver en Europe. Souvent des personnes qui quittent leur pays pour demander l'asile et qui doivent attendre 5 ans avant de demander l'asile, 5 ans, 6 ans. Ça, on peut le remarquer dans toutes les frontières européennes, les frontières extérieures, en tendance à l'externalisation. Donc, ce que je disais tout à l'heure, on sous-traite les contrôles de l'immigration aux pays des premières frontières. Donc, on considère des gros collaborateurs de l'Europe, pays comme le Maroc, pays comme la Libye, pays comme l'Ukraine, pays comme la Turquie. On demande à ces pays de collaborer, on demande à ces pays de bloquer et d'accueillir les migrants à la place de l'Europe. On demande à ces pays aussi de demander, de délivrer et de protéger les demandeurs d'asile, en sachant que certains entre ces pays n'ont même pas signé la Convention de Genève, comme c'est le cas de la Libye. Ou même s'ils ont signé, comme c'est le cas du Maroc, ils ne respectent absolument pas les réfugiés statutaires qui sont présents sur son territoire. La Convention de Genève, donc, qui instaure le droit d'asile. Les protections de demandeurs d'asile et donc qui en sort la statut de réfugié pour ceux qui échappent et qui partent de leur pays parce qu'ils ont vécu des persécutions de nature religieuse, politique, civile et tout ça. Donc, et ça, comme on peut le voir à toutes les frontières, les numéros des morts augmentent, les traversées pour rejoindre l'Europe deviennent de plus en plus dangereuses. On l'a vu, par exemple, un typique exemple d'externalisation, c'était la fermeture la création du CIVE, les systèmes d'interception maritime en Espagne, qui a eu comme conséquence la fermeture de l'accès voie à l'étroit de Gibraltar. Donc la frontière s'est déjà un peu déplacée et aux années autour de 2006, les points d'entrée vers l'Europe, c'était les frontières de Ceuta et Melilla. Les processus d'externalisation a mis en marche en création d'une troisième frontière entre les deux frontières qui a rendu invalicable les enclaves de Ceuta et Melilla. Donc les migrants, ils ont commencé à partir des Noix du Bois en Mauritanie et de plus en plus loin parce que les contrôles d'interception maritime ils sont augmentés, donc de Saint-Louis au Sénégal, de la Gambie jusqu'à la Casamance donc, et la Guinée, donc l'extrême sud du Sénégal. Quelles conséquences de tout ça? C'est la traversée augmente. Un jour de traversée, on passe à 15 jours de traversée, donc avec l'augmentation des morts, des dangers, des traumatismes aussi pour les mêmes migrants. Donc, et la même chose, c'est en train de se passer aux frontières orientales. Donc, sous-traiter les contrôles des frontières à pays comme l'Ukraine, en essayant de les pousser à faire des accords de réadmission, la gestion totale donnée à la Turquie de l'asile, en sachant que c'est un pays où l'asile a un système encore très élémentaire, où il y a vraiment un taux des statuts très bas, très faible. Donc, mais c'est ça la technique mise en place par l'Union européenne à travers son porte-parole, Franco Frattini. Je crois que c'est Emmanuel Blanchard, qui fait également partie du GISTI et de Mire Europe, je crois, qui parlait d'un retour à des conditions de voyage quasiment médiévales, quoi, en termes de temps de trajet. C'est-à-dire pour un businessman, Ça va prendre, je ne sais pas, 6 heures pour passer de l'Afrique à l'Europe. Et il va arriver sans problème. Et pour un migrant, ça va prendre des semaines, voire des mois. Et le nombre de morts en mer ou aux frontières est considérable, quoi. Il y a une association, je crois, qui a donné des chiffres, d'ailleurs, du nombre de migrants morts en Méditerranée cette année. C'est 9 or 13 Europe. C'est un groupe, un collectif qui d'ailleurs, et je crois que ça c'est très important, c'est moment en train de se mobiliser sur les cas de citoyens érythréens enfermés depuis un an dans la prison de Misrata en Libye. Il est en contact, la rédaction de cette site, de cette collective est en contact avec des personnes, de ces 100 personnes. Dans les centres, il y a des femmes. Il y a une petite fille qui vient de naître dans la prison. Et ça nous fait comprendre un peu les temps du voyage. Moi, toutes les personnes que j'ai rencontrées à Lampedusa, elles étaient parties de leur pays au moins il y a 4, 5 ans. 2 ans, 3 ans pour certains. Ils transitent par des pays, ils attendent à accumuler de l'argent, ils sont exploités, ils sont expulsés, ils sont emprisonnés, ils subissent tout type de violences pour arriver en Europe. Et souvent, ils sont même rafoulés une fois qu'ils sont arrivés en Europe. Donc, les voyages, ça recommence. Et ça, c'est, par exemple, les trajets des Afghans, des Irakiens, des Iraniens qui traversent la Turquie pour arriver en Grèce. Et la frontière gréco-turque, par exemple, c'est notamment en frontière cimetière parce qu'il y a des camps minés. Il y a la mer où il y a des courants très forts. Donc, ils la traversent avec des petits canots. Qui souvent ils coulent à l'eau. Et de là, de la Grèce, ils partent vers l'Italie, cachés sur des tirs. Et là, par exemple, si on veut parler des morts à la frontière, dernièrement, il y a quelques mois, on a su l'information des trois personnes, qui étaient morts congelés dans un tir parce qu'ils étaient cachés au départ en Grèce et ils essayaient d'arriver directement comme ça en Allemagne. Si ce n'est pas dans les selles frigorifiques des tirs, c'est au-dessus, entre les deux. Route des camions et sans parler de ce qui passe dans les forêts marocaines. Oui, je suis d'accord avec Emmanuel Blanchard que les conditions des voyages, c'est des conditions médiévales, soit pour les temps de durée du voyage, soit pour les conditions. Et tout ce qui s'est mis en place, c'est des obstacles de plus en plus durs qui doivent s'opérer. Et donc, il dit très bien Federica, une réelle guerre pour les empêcher d'y arriver. Africa. D'ici ou d'ailleurs, nous sommes des enfants d'Afrique. Même si le ciel tombe, luttons pour la paix. Konjamu Africa, mon laïna. Manejamu Africa, mon isunyuna dange. Ici ou ailleurs, la paix crie du bonheur. Mais même si le ciel pleurait, luttons pour nos frères. Conjamo Africa, mom la nya. Manejamo Africa, moi suñu nadangé. Tu étais aussi allé aux Canaries, ce qui peut, puisque ce qui est pas très très facile, du moins c'est facile d'aller aux Canaries, mais pas d'approcher des centres de rétention qui sont installés sur ces îles. C'est une autre route de l'immigration. Là, on a parlé beaucoup du passage en fait entre le Maghreb et Malte ou Lampedusa, et il y a une autre route qui part plus du Sénégal. Qui arrive aux Canaries. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que tu avais vu ou entendu de récits par rapport à ces centres-là? Oui, alors les migrants, ils partent des Noix d'Hibou au début, ils partent des Noix d'Hibou, et après les contrôles sont augmentés, donc ils ont commencé à partir du sud. Il y a une cause de départ, il y a une cause pour laquelle... parce que l'immigration a toujours en liaison avec les questions politiques et économiques. Et ça, c'était le cas. C'était un cas assez évident. L'Espagne a fait des accords bilatéraux avec la Mauritanie et le Sénégal et rentrée dans les eaux nationales mauritaniennes et sénégales pour pouvoir profiter de ce qui est l'or de ces pays, que c'est les poissons. Donc, des accords de pêche qui ont affaibli beaucoup les pouvoirs des pêches des pays africains et qui ont mené beaucoup des pêcheurs sénégalais, notamment mauritaniens, à utiliser leurs bateaux pour transporter des humains. Donc il y a toujours des causes, que c'est toujours des intérêts économiques qui vous ouvrent souvent des passages. Donc les pêcheurs sénégalais, mais après de plus en plus la question s'est ouverte donc aux autres migrants. Ils donnaient leurs cayucos, c'est ça les noms des embarcations avec lesquelles ils arrivent aux Canaries. Ils leur imprimaient des 80 à 100 personnes et de là ils partaient vers les Canaries. La traversée c'est très long. C'est très, très dangereux. Et on peut les comprendre très bien des conditions où ils arrivent. Donc, ils arrivent après aux Canaries, c'est qu'ils arrivent, parce qu'il faut toujours savoir que nous, on a, malheureusement, on ne peut pas avoir le nombre des personnes qui partent, mais on a simplement le nombre des personnes qui arrivent. Si on aurait aussi les nombres, on arriverait à comprendre qu'il y a beaucoup des morts inconnus dans la mer. Et ça, on peut les très bien comprendre du fait que les pêcheurs, ils nous parlent des cadavres pêchés de façon quotidienne dans l'océan et dans la mer Méditerranée. Et donc, ils arrivent aux Canaries. Là, ils sont enfermés dans des centres de rétention. Des centres de rétention, moi, j'étais dans une mission parlementaire, dans un centre, un campement militaire, les campements militaires qui s'appellent La Raïse, qui maintenant étaient fermés et qui étaient les campements qui, à l'époque, étaient les quartiers généraux des Franco pour les départs du coup d'État. Donc, ça nous rappelle toujours l'histoire. Et c'est un campement, ils étaient enfermés entre 1600 et 2000 personnes, tous habillés de la même façon, avec leur numéro des Cayucos écrit sur leur t-shirt, des noms, des numéros des personnes. Et ça, c'est une chose typique, c'est une chose que j'ai remarqué partout, à toutes les frontières. Ce n'est pas des êtres humains, c'est des numéros qui arrivent, qu'il faut après savoir un peu où on va les placer, combien ils sont enfermés, combien ils sont refoulés, combien ils sont transférés. Et c'est ça aussi à cette époque où l'Espagne, avec les travaux actifs de Zapatero, a pu faire beaucoup d'accords bilatéraux dans un plan qui s'appelle les plans Afrique. Des accords surtout avec le Sénégal, qui dans une période très délicate, parce que c'était une période préélectorale, on parle de l'octobre 2006, en sachant que les élections où Wade était après réélu, c'était en février 2007. Donc Zapatero a gagné la collaboration du Sénégal, l'a gagné à travers l'implantation des troupes d'interception maritime et donc des refoulements au Sénégal et en Mauritanie, et surtout a gagné en faisant accepter au Sénégal plus ou moins 6000 personnes expulsées, entre 4000 et 6000 personnes expulsées des Canaries au Sénégal. Donc c'est qui cette personne? C'est pas du tout des Sénégalaises. Bon, beaucoup sont des Sénégalaises, mais beaucoup d'autres, ils n'étaient absolument pas des Sénégalaises, mais qu'ils étaient reconnus comme Sénégalaises simplement parce qu'ils étaient noirs. Et donc, les Sénégalais acceptaient. Et donc, comme ils sont des numéros, pourquoi pas les expulser comme en étant des Sénégalaises? En même temps, donc, les Sénégal acceptent les opérations dans ces eaux nationales, donc Frontex, et donc des bateaux qui contrôlent tous les départs. Et les bateaux qui sont interceptés dans les eaux nationales sénégalaises sont renvoyés au Sénégal, enfermés en prison pendant 15 jours, avec l'accusation d'avoir utilisé un moyen de transport inadéquat comme les Cayucos pour un transport des Romains, ou si ils n'étaient pas des Sénégalaises, des vagabondages, donc en utilisant une législation complètement ancienne qui ça n'a rien à voir avec ces questions, mais simplement pour essayer pour trouver une excuse pour les enfermer. Et donc, de plus en plus, cette voix, c'est toujours présent. Cette année, c'est beaucoup diminué, soit parce que les risques de vie, ça devient tragique, soit parce qu'il y a beaucoup de contrôles, donc il y a des risques de refoulement sans arriver même pas aux eaux internationales. Et donc, ça, on peut les remarquer, parce que de plus en plus, dernièrement, je voyais à Lampedusa arriver des personnes en provenance du Mali, des Mauritanie, du Sénégal, de la Guinée-Conakry. Et ça nous fait comprendre que, justement, on n'a aucune... toutes ces tentatives ne bloquent rien, simplement, ils rendent plus difficiles et dangereuses à traverser. Donc, au lieu de partir de leurs côtes, maintenant, ils sont obligés à partir des côtes Libye, en toussant, en devant traverser tous les déserts pour arriver jusqu'à la Libye. 106.3 Azul Fulawan, Tlim Fréquence Paris Pluriel, 106.3. Et quels sont, pour pas être sur une note totalement pessimiste, quels sont les moyens de lutte pour en soutien aux migrants? Quels sont les collectifs qui travaillent dessus? Et quels sont les moyens de lutte, même plus généralement, pour aller contre cette gestion militaire des frontières de l'Europe? Bah, il y a de plus en plus de collectifs qui se forment. Il y a une prise de conscience. Selon moi, la première chose, c'est la prise de conscience. L'objectif de l'Union européenne, c'est externaliser, pas seulement pour sous-traiter les contrôles, mais pour les envoyer plus loin des yeux des Occidentaux. Donc, les tortures, ils sont bien loin. Ils sont en Libye, dans un pays où il n'y a aucune information. Les rafles, ils sont au Maroc, en direction de l'Algérie. Donc, très loin des yeux occidentaux. Donc, je pense que le premier travail des militants, c'est reporter tout ça devant les yeux des occidentales. Donc, témoigner de ce qui se passe, donner voix aux migrants d'abord. C'est eux qui ont une richesse énorme par rapport à leur voyage. Donc, l'importance du témoignage, l'importance de l'écoute des migrants. Et ça, c'est en premier lieu. Mais après, c'est l'importance de soutenir les migrants au moment de leur arrivée, en prenant en considération la difficulté, l'état psychologique où ils se trouvent, étant donné qu'ils ont vécu les transits, la traversée et tout ce qu'on a, dont on a raconté à ces moments-là. Donc, il y a des collectifs qui de plus en plus les accueillent et font un travail que c'est l'État qui devrait faire. Donc, on a un travail de logement, un travail d'assistance sociale, assistance psychologique, assistance juridique, mais qui n'est pas fait par les pays comme l'Italie et l'Espagne, qui au contraire utilisent les budgets destinés à l'immigration aux 70% pour la répression et aux 30% pour l'accueil et l'intégration. Donc, il y a beaucoup de collectifs qui se forment. Il y a des associations qui sont prêtes à leur donner soutien au moment des arrivées au port. Il y a MSF, par exemple, pour l'accueil sanitaire. Il y a Archie, qui, justement, cette année, est présent à Lampedusa, mais est présent sur tous les territoires italiens. Il y a des collectifs comme Melting Pot, qui sont plus d'informations et d'énonciations de ce qui est en train de passer vis-à-vis des migrants. En Espagne, il y a tout un collectif qui s'occupe, justement, de créer une liaison entre les migrants en Ceuta y Melilla et les migrants sur les territoires espagnols. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais il y a quand même un réseau qui est mis en place et qui essaye en quelque façon de faire un premier travail d'accueil et un deuxième de dénonciation. Et tu pourrais nous parler plus précisément du travail qui est fait par le réseau Migre Europe ? Les réseaux Migre Europe, c'est un réseau international où beaucoup d'associations membres individuels sont membres. Sont des associations membres individuels européennes mais aussi marocains. Et notre travail, c'est vraiment de dénoncer les politiques européennes d'externalisation du contrôle aux frontières extérieures de l'Europe. Un travail de dénonciation des nombres et des conditions de vie dans les camps. Ce que nous considérons camps, c'est les lieux d'enfermement en général des migrants. C'est les lieux comme typiques centres de rétention avec des barbelés et des murs, mais aussi des lieux où les migrants ne peuvent pas avancer ni reculer. C'est des lieux d'enfermement à ciel ouvert qui sont quand même des camps pour migrants. Donc, un travail pour essayer de se changer et pour dénoncer et pour informer sur les politiques mises en acte par l'Union européenne sur les territoires européens, mais surtout sur les frontières extérieures à travers les accords bilatéraux, à travers des contrats, à travers des lois et des politiques et des circulaires qui visent à la répression des migrants. Et donc, à ce qui, même dans un livre que nous avons publié, nous avons appelé « Guerre aux migrants ». Merci beaucoup, Sarah. Merci. Dimmi, belle giovane, onesto e biondo, dimmi la patria tua. Adoro il popolo, la mia patria, il mondo, il pensiero libero e la mia fede, e la mia fede. La casa è di chi l'abita, qui da chi l'ignora, il tempo è dei filosofi, il tempo è dei filosofi. L'alta, il vile chi lo ignora, il tempo è dei filosofi, la terra di chi la lavora. Addio mia bella casetta di Dio, madre. près des philosophes, il était près des philosophes.